commencé à l'époque, j'étais commandant. À peine 20 ans et je commandais une armée de vaillants combattants. On a pillé des villages, on a entaillé des visages, vidant des hommes de leurs entrailles, forgeant les miens pour les batailles. De jour en jour, toujours plus fort, recrutant malgré les pertes. C'était soit nous, soit la mort, pour les enfants comme les pères. Mes hommes n'avaient plus rien à perdre, je suis vite monté en grade. Les faibles ont fini par se prendre, les meilleurs ont constitué ma garde. J'avais soif de guerre, donner la mort était une drogue. La compassion, j'en avais guère, j'avais un appétit d'ogre. Les années passent, même les années passent. Pas sûr que ça me lasse, j'aime trop quand le mal m'enlace. Ils me laissent agir, moi je vois bien qu'ils s'agitent. Ils ont cru que j'allais m'assagir, mais j'ai trop de haine pour que ça agisse. En plus je fais pas d'efforts, mon but est de faire partie des forts. En temps là, j'avais la forme de toutes les tactiques, je m'informe. Ils veulent me mettre en tension, hors de moi et impatient. Je ne fais pas impatience, établir au moins un plan. Voir deux, trois si on se plante, cette fois-ci manque de bol. Pas truc qui déboule, nous mettre la tête au sol. Prêt, texte en faire des fouilles. En deux, quatre, ils nous embarquent. Heureusement mes gars débarquent et nous sortent de ce merdier. Un peu plus, on y restait. Je repars dans mes terres, pour moi il n'y a plus de pays neutre. Maintenant ils veulent la guerre, ça tombe bien, on aime les meurtres. Pépère, je me fais la paire, j'opère en direct de l'enfer. Mon armée comme opéra, crois-moi, l'état le paiera. J'ai la moitié du pays, au doigt y'a l'œil qui obéit. Et je t'assure que ce n'est pas fini, bientôt tous seront soumis. J'imposerai ma dictature sous couvert démocratie. S'il faut qu'il pleuve des litres de sang, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. On va reprendre ce qui nous revient de droit. On ne se laissera pas faire. Mon armée est en place, attendant mon signal. Ce soir, le sang va couler. Un coup d'éclat dans un coup d'état. On vient pour faire notre vendetta. Car ils savent tous qu'à l'aube, tout sera terminé. On va reprendre le contrôle. À l'assaut de leur quartier général. Maintenant, personne ne m'écarte. Ça y est, je suis dictateur, si tu m'ignores, je te dictatore. Maintenant c'est moi qui dictateur, j'ai plus de pitié même si tu pleures. Je suis votre père à tous, enfin, homme, femme, enfant, mon règne sera sans fin dans ton crâne, faut que tu te l'enfonces. Si tu n'y arrives pas, t'inquiète, on le fera pour toi, t'aider. On ne manque que ça, prépare-toi à encaisser tous. À genoux devant moi, je suis votre divin roi. Si tu ne m'écoutes pas, sois sûr que ta vie, je l'écourterai. Mais très vite, je vois que mes rues sont vides de pouvoir. Je suis trop avide, j'ai besoin de prendre de nouvelles vies. Donc je prépare mes équipes à partir en guerre contre la planète. Ceux qui pensent que j'ai plané peuvent être sûrs que je les ai tripes. Sauf que seul contre tous, c'était l'heure de trop. Mon ego a pris un coup quand ils m'ont mis dans un trou. Je rêvais d'un monde meilleur et j'y instaurais ma terreur. Tous voulaient que je meure, je suis mort dans le déshonneur. Tous voulaient que je meure, je suis mort dans le déshonneur. J'écris mon histoire sans avoir d'arrière-pensée. Car maintenant que je suis mort, sur mon cas on peut se pencher. J'étais mégalomane, moi je me foutais ton avis. Personne ne mégalomane, je pouvais prendre n'importe quelle vie. La haine nous rend aveugles, c'est pour ça que tout paraît flou. Mais je t'assure que j'ai bien vu quand mes gars m'ont mis dans ce trou. J'ai perdu de vue mes rêves, oublié qui je voulais être. Mais l'ironie est belle, car je suis mort pour la planète.